Ce samedi 2 février, 20h, le multi-concessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite du MGR Express de Saguenay au complexe sportif du secteur Dolbeau. Prix d'entrée seulement 8$. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Soyez le 7e joueur. Multi-concessionnaire MGR Express, une présentation du restaurant Cocrotti des promenades du boulevard. Go, multi, go! C'est le commentaire de notre ami Fédérin. Salut, Phil. Bonjour, Danny. Phil, le Canadien, c'était... Écoute, je sais pas si t'es comme moi, je pensais jamais dire ça parce que moi, je m'intéresse à pas mal tous les sports, mais c'était plate. Pas du Canadien cette semaine, non? Effectivement, t'as raison, Danny. Moi, je suis comme toi. J'ai trouvé ça plate cette semaine. Pas de match du Canadien, pas de point de presse, rien, pas d'implication. Et cette année, c'est encore plus difficile pour une raison. Parce que les gens ont de l'intérêt. Ouais. L'équipe va bien. L'équipe surprend. On a de nouveaux joueurs chez le joueur. Et là, tout le monde, à quelques jours de la période des transactions, dit est-ce que Marc Bergevin va améliorer son club? Est-ce qu'il va avoir des changements? Est-ce qu'il va être capable de maintenir? Et il y a une lutte à 5 clubs pour à peu près 4 places. Donc, à ce moment-là, tu sais, il y a une lutte avec Boston, avec Tampa, pas avec Tampa Bay, avec Boston et avec la Caroline, avec la formation de Toronto. Donc, il y a une lutte que personne ne s'attendait, ou le Canadien, parce que 90% des experts en début d'année mettaient le Canadien hors des séries. Ouais. Avec la saison qu'ils avaient connue l'an passé, on les voyait pas là. Sauf que là, pour l'instant, ils sont là. Maintenant, et tout le monde dit, est-ce qu'ils vont être capables de répéter, après la pause d'une semaine, les mêmes... Parce que là, il y avait une belle série de victoires, ça allait bien, tout le monde... Les mêmes performances qu'avant les fêtes. Ça, c'est la question qui demeure le point d'interrogation. Mais avec deux matchs en fin de semaine, on va avoir une bonne preuve comment le Canadien peut se comporter. Mais je pense qu'à quelque part, le Canadien, Bergevin a une très, très bonne... Tu sais, quelque part, il dit non, c'est peut-être pour baisser les attentes des partisans aussi, là. Mais il peut pas bouger, parce que, tu sais, il est quand même très, très bien en mesure, là. Il y a beaucoup de place sur le plafond salarial. Il y a des jeunes qui... Il y a une banque de jeunes. Ils pourront pas tous jouer à Montréal, cette banque de jeunes-là, là. Donc, Mais, Danny, il y a un danger à faire une transaction. Là, actuellement, le Canadien a une certaine chimie qui semble... Ouais. Ils n'ont pas eu depuis de nombreuses années. L'esprit de corps, l'organisation, les joueurs à l'intérieur, il y a une chimie. Demain matin, tu déplaces 2-3 joueurs, tu arrives 2-3 nouveaux joueurs. Est-ce que ces gars-là vont s'adapter? Alors là, t'es en plein calendrier régulier, là. T'as pas de camp d'entraînement, t'as rien, là. Ouais. T'sais, t'arrives 2-3 joueurs. Moi, je dis pas que Marc Bergevin doit pas ajouter de la profondeur à son équipe. C'est pas ça que je dis. Mais tu sais, comme moi, Danny, pour obtenir, exemple, un joueur qui va jouer en attaque top 6 ou un défenseur top 4, il devra payer le prix. D'abord, il y a une lutte actuellement en plusieurs clubs. Et plusieurs clubs vont être probablement des gens qui sont prêts à payer le prix. Est-ce que Bergevin se dit, c'est le temps ou jamais, je vais payer le prix? Je me pose la question s'il va embarquer là-dedans. Remarquez bien que Bergevin est toujours surpris. Quand il a échangé Piquet-Sauben, personne ne l'a vu venir, là. Ouais. Hein? L'année passée, quand il a échangé Pacioretty, pas tout le monde. Galchenyuk, on s'en attendait. Mais Pacioretty, là, c'est une surprise un peu qui a été arrivé cette transaction-là. Thomas Vanek, plus tard aussi. C'est ça. Il a fait des transactions qui ont amené des choses qui n'ont pas toujours donné des bons résultats. Ça peut arriver que... Moi, je pense que s'il se présente une occasion, oui, il y a quelques jeunes qui peuvent donner en retour. Ils ne joueront pas toutes dans la Ligue nationale, ça, j'en conviens. Mais sauf que les équipes qui font des transactions, Danny, ils veulent avoir des joueurs qui peuvent jouer de top 6. Ouais. C'est un peu ce que le Canadien a également dans 4-5 de ses joueurs qui peuvent jouer facilement en attaque, top 6 ou top 4 en défense. Demain matin, là, est-ce qu'on est prêt à échanger un de ces joueurs-là? Kotkaniemi, en début d'année, là, personne ne donnait sa chair et sa peau. Il joue dans le top 6 des Canadiens de Montréal actuellement. Il performe bien à 18 ans. Donc, il y en a peut-être un ou deux chez les juniors. Il y a un Russe actuellement, un défenseur. Au championnat du monde, il était le meilleur défenseur sur la glace. Ouais. Est-ce que le Canadien peut se permettre de le donner qu'il va éclore ailleurs? Non. Moi, je pense pas, là. Ouais. Donc, c'est ça que je dis que Bergevin... Puis Bergevin sent peut-être que avec l'équipe qu'ils ont en main, au moment où on se parle, il est capable de rivaliser avec les Bruins, avec la Caroline, avec certes, même pas Toronto, parce que moi, je pense que Toronto a connu un début de saison intéressant, une période difficile, mais là, ils viennent de faire une grosse transaction pour ajouter un défenseur dans le top 4. Donc, c'est une équipe, en principe. Moi, je pense que le seul point d'interrogation de Toronto demeure devant le filet. Moi, devant le filet, je suis pas sûr que Toronto a la bonne équipe, mais ça demeure quand même une très bonne équipe de hockey. Ouais. Mais moi, le Canadien va aller aussi loin, Danny, que Carey Price. Ouais, c'est clair, il continue à garder les buts, ouais, comme il l'a fait en première moitié de saison, aucun problème, le Canadien va faire les séries faciles. Ouais. Mais il faut que Price reste au même niveau qu'il est actuellement. Ça veut dire il est dans le top 3 ou 4 des meilleurs gardiens de la Ligue nationale au moment où je te parle. Donc, moi, je pense que c'est là qu'il va arriver. Il ne faut pas qu'il arrive de blessure majeure. N'oubliez pas que le Canadien est là, malgré l'absence de 2 mois de son meilleur défenseur, Shea Weber. Jeff Weber Petrie aurait été là depuis le début de l'année. Ouais. Il lutterait peut-être avec Tampa Bay. Ouais. Jeff Petrie a joué toute une première moitié de saison, il faut le dire. Exact. Mais... Ça, ça a donné l'occasion à Petrie, effectivement, d'avoir plus de temps de glace, démontrer qu'il peut être probablement le défenseur numéro 2 chez le Canadien de Montréal. D'ailleurs, quand Bergevin t'a fait cette transaction-là, puis il l'avait fait dans ce but-là. Mm. Sauf que tu fais des transactions, tu sais, il y a des joueurs qui surprennent d'autres. Domi, en début d'année, moi, il m'a emballé depuis 3 semaines, 1 mois, et un peu ralenti. Ouais. Et ça demeure quand même que le Canadien a 3 trios qui performent bien au niveau de l'attaque. Il faut que ça continue de ce côté-là. OK. Phil, le Super Bowl en terminant. Ta prédiction? Oui. Ah, moi, j'y vais avec les Pats. Oui, hein? Ah, oh, oui. Moi, j'étais un fan des Pats, fan de Brady. Tu sais, Brady réussit des jeux que pas tout le monde est capable de faire. Dans les grands moments, il performe bien. Marquez bien que les Rams arrivent là underdog. Mm. Donc, ils sont pas nécessairement les favoris. Ils arrivent là-bas, puis tout le monde dit, ben là, les Pats, tout le monde parle des Pats, tout le monde parle des Pats. On parle très peu des Rams, mais ils ont connu une saison tout à fait exceptionnelle avec un bon quart arrière. Donc, et la défensive des Rams est une très, très bonne défensive. Ouais. Est-ce qu'ils vont être capables de contrer Tom Brady? Moi, je pense que c'est la défensive des Rams contre l'attaque des Pats. C'est là que ça va jouer le Super Bowl, mais je m'attends à avoir un super match de football. Ouais. Phil, on se reparle vendredi prochain. Merci. C'est le commentaire de Phil Gagnon.